Laisse-moi fumer mon stick, j'aurai la haya ou kaya, à la weed, à l'herbe, à la sensi ou la ganja. Okay. Laisse-moi fumer mon spliff, mon cône, mon stick, mon pilon, mon buzz, sans un contrôle de Schmitt. Okay. En douille ou en chillum pour ta pipe de Tosma, en mode Jamaïca, comme un hymne à Jaja. Ta player prix Rasta pour les pisses et les hippies, les pacifistes et les bandits, les logs et les babas, logs et les babas, logs et les babas, logs et les. J'aspire la raison qui me pousse à proser. Respire l'oxygène qui me pousse à poser. Remballe la peur qui me pousse à oser. À clasher ces putes qui me donnent la nausée. Putain, chien. Yes. Ça fait du rap pur. Du rap dur, du rap nul, du rap sûr, du rap, ton flow palpitant, du rap en karaté, t'as raté, car t'as pas le temps, pas le flow, pas la plume et pas l'accent. Viens tester le peur avec tes écrits de loser, bouse de baiser de rime et baise les pieds au booster. Mais pasteur, passe-temps, mon instant, c'est pasteur, qui pour le microphone sont des violeurs. Violeurs de passe, violeurs de pause, violeurs de phrase, violeurs de prose. Voleurs de prod qui rêvent d'approche de la peur à de croche. Accroche mes rimes d'approche que seul le rap a dans la poche. Toi ta coche, tu la caches, tu l'attaches. Devrais hache, le pas qu'elle sache que tes faces sont des filles de lâche. Face le mic, elle tease, mis sur un peu qui tease. Mais t'es tordu ton RAP comme la tour de Pise.